À 7h32 minutes, on y va avec la chronique numérique maintenant. Raymond Poirier est là. Bonjour Raymond. Bonjour. Et tu t'es intéressé cette fois au Global Kids Online Report, alors l'utilisation par les enfants de l'Internet, mais à travers le monde, parce que tu sais, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, on a bien documenté les usages de nos jeunes en Amérique du Nord, en Occident, mais ailleurs dans le monde, dans certaines régions où c'est des pays en voie de développement notamment, ben on avait peu de données jusqu'à présent. Exactement, ça permet d'aller chercher un écho, si on peut dire, aux données qu'on a déjà. On va aller voir quel est l'usage du côté du Brésil, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de la Serbie, du côté du Bangladesh, entre autres. Et c'est un organisme, ça, Global Kids Online, qui est chapeauté, entre autres, par l'UNICEF. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher des données quantitatives, de créer une communauté de recherche autour de ces thématiques-là, autour des usages du web, mais toujours chez les plus jeunes. Donc, question peut-être de voir la nature des problématiques qui pourraient émerger, ou de voir la nature de l'accompagnement qui pourrait être mis de l'avant, et aussi de comprendre la nature des usages, des priorités et de reste qui en ressort. On fait ça dans la perspective où l'accès au web, c'est devenu un droit, quasiment un droit humain. C'est le savoir, c'est l'apprentissage. C'est important pour les jeunes qui ont droit d'y avoir accès, et c'est plus compliqué dans certaines régions du monde. Oui, c'est important pour les jeunes, et on voit d'ailleurs même avec les sondages et le premier rapport, en fait, qui a été rendu public le mois dernier, que les jeunes sont attachés à leur Internet, qu'ils n'imagineraient pas leur vie sans le web. Donc, quand on dit, quand il y a certains qui demandent que Internet devienne un droit, au même titre que d'autres droits, ça se reflète aussi dans l'importance que ça revêt pour ces jeunes-là. Ils vont quand même régulièrement, mais ils y vont principalement par téléphone intelligent. Donc, c'est des régions dans lesquelles les ordinateurs personnels sont un peu moins répandu. Donc, ce qu'on remarque, c'est vraiment, que ce soit l'Argentine, Serbie, Afrique du Sud, Philippines, c'est 90% dans certains cas des usages qui sont faits à partir de plateformes comme les téléphones, 62% dans les Philippines. C'est peu utilisé dans les écoles. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, les jeunes dans ces pays-là ont un usage mobile de l'Internet. Donc, comme parents, si on se dit, mon enfant utilise mon ordinateur personnel, mon portable sur la table à cuisine, c'est un usage qui est contrôlé dans un environnement qui est contrôlé. S'il l'utilise à l'école, on imagine que ce l'est aussi, évidemment. Mais par contre, quand il utilise un petit téléphone comme celui-là, d'un côté, donc, ça rend peut-être un peu plus difficile l'accompagnement parental, parce que ces écrans-là ne sont pas gros, c'est pas des écrans familiaux, donc on va avoir l'enfant qui va être seul devant son exploration, et en même temps, le fait d'explorer, d'appréhender le web à travers un si petit écran, ça peut aussi rendre plus ardu l'appréhension de la complexité qu'on peut y retrouver. Donc, oui, on peut lire certains textes, on peut regarder des vidéos, mais en même temps, je décortiquerai pas l'Encyclopédia Britannica à partir de mon téléphone. C'est pas tous les sites non plus qui sont adaptés. Il reste, donc, ça vient aussi limiter peut-être un peu leur expérience. Est-ce que, selon toi, les parents ont une responsabilité pour éduquer les enfants au web, au numérique? Parce que il y a certains dangers qui guettent les enfants quand même sur le web. L'intimidation à l'école, ça se poursuit souvent sur les conversations numériques. Il y a le leurre informatique également. En fait, il y a quelques conclusions là-dessus auxquelles je pourrais peut-être répondre à ta question avec tout ça. Dans le fond, d'un côté, ce qu'on dit, c'est que de manière générale, les jeunes comprennent certains usages d'Internet, mais ont certains éléments de compréhension qui sont aussi limités. Premier détail, en fait, peut-être pour étayer un peu ça avant d'y répondre, donc je fais un petit détour. Première chose, en fait, la majorité des enfants disent, regardez, nous, quand on va sur Internet, on apprend quelque chose. Donc, à chaque semaine, on apprend quelque chose de nouveau, minimalement, idéalement à chaque jour. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que les enfants ne savent pas faire la distinction entre l'information de qualité et l'information qui n'est pas de qualité. Donc, ce qui fait qu'on apprend quelque chose de nouveau à chaque jour ou à chaque semaine, mais ce qu'on apprend n'est pas nécessairement vrai. Et on n'est pas nécessairement apte du côté d'un jeune de 7 ans d'analyser la qualité de l'information qu'on va retrouver sur Internet. Donc, c'est compliqué pour les adultes aussi. On a vu l'effet des fausses nouvelles dans une campagne électorale aux États-Unis, par exemple. Alors, tu parles d'accompagnement parental. Ouais. Évidemment, dans la classification de l'information, ça devient super important que le parent puisse dire aux jeunes, mais regarde, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Il y a un accompagnement qui doit se faire dans ce contexte-là, au-delà des cyberleurs et le reste. Cela dit, évidemment, les questions de sécurité restent aussi problématiques. Ce qu'on remarque, par exemple, c'est que il y a un cinquième des enfants d'Afrique du Sud, le trois quarts des enfants d'Argentine, qui disent avoir été outrés, vexés, rendus tristes par quelque chose qui leur est arrivé en ligne. Plus les enfants sont vieux, plus ils ont mentionné d'incidents fâcheux. Alors, ce soit en fait de la cyberintimidation, que ce soit de la pornographie, que ce soit de la discrimination, de l'harcèlement et le reste. Donc, ça rentre un peu dans ces expériences-là. Mais dans le fond, de manière générale, les jeunes n'ont pas le réflexe d'en parler dans le contexte scolaire, par exemple. Le premier réflexe que les jeunes de ces pays-là vont avoir, c'est d'en parler à d'autres jeunes, d'aller chercher des conseils de la part de leur groupe, de leurs amis. Si c'est pas possible, ben ils vont aller chercher de l'information chez leurs parents. Donc encore là, ça devient un peu la deuxième ressource, si on peut dire, dans ces situations-là. Mais encore faut-il que le parent puisse comprendre la nature de la bête, puisse comprendre ce qu'est Internet, ce que sont les réseaux sociaux et le reste. Parallèlement, encore là, quand on parle d'accompagnement, ben il y a aussi le degré de risque. Donc, au-delà de la cyberintimidation, donc l'idée de pouvoir être exposé à des éléments, des choses choquantes. Donc, on revient un peu à la pornographie ou à certains types de pornographie. La sollicitation sexuelle aussi. Un enfant sur 20 dans les Philippines et en Afrique du Sud qui a mentionné avoir été sollicité sexuellement, à tout le moins via le web. Des gens qui ont quand même aussi choisi d'aller rencontrer des nouvelles personnes, des jeunes qui le font de temps à autre. En fait, il y en a quand même pas peu. Il y en a suffisamment pour dire que c'est une tendance, sans dire que c'est une tendance marquée. Alors, encore là, il y a un intérêt d'accompagnement. Mais le grand problème, c'est que ce qu'on remarque, c'est que les parents de ces jeunes-là, généralement, vont avoir l'usage et l'expérience face au web d'un enfant de 12 ans ou 14 ans en moyenne. Je te dirais, ces conclusions-là, ça ressemble beaucoup à la réalité qui est vécue chez nous au Québec aussi. Oui, effectivement, il y a des corollaires. On voit que les générations qui ont grandi ou qui grandissent avec le web, à nos côtés, il y a une importance très importante qui est accordée à ces plateformes-là. Il y a des usages qui sont particulières peut-être ou plus rapides par ces générations-là, parce qu'on appelle les natifs du digital. Les natifs du digital, il y en a ici, mais il y en a aussi dans ces pays-là. Et parallèlement, mais les parents, eux, sont parfois un peu laissés pour compte parce que ils n'ont pas grandi avec ces usages-là, parce que ils ont des défis, par exemple, au niveau linguistique. C'est quand même une plateforme qui est entièrement basée sur l'écrit. On sait, on a vu, ne serait-ce qu'au Québec, en fait, le taux d'analphabétisme fonctionnel qui est quand même préoccupant. On imagine que ce l'est quand même un peu plus dans un pays comme le Bangladesh ou les Philippines, où il y a des défis sociaux importants. Alors, ces parents-là sont peut-être un peu plus démunis face à ce que vivent leurs enfants, face à cette nouvelle réalité-là. Et effectivement, ben, c'est d'ailleurs une des conclusions du rapport, c'est que d'un côté, ça serait bon de développer l'usage scolaire d'Internet pour permettre de A, aux jeunes d'avoir l'expérience d'un grand écran, et de B, de pouvoir les accompagner dans l'analyse, dans la compréhension plus pointu de ce qu'ils vont découvrir, de ce qu'ils vont voir. Mais parallèlement, qu'il faut pas oublier les parents non plus, parce que si les parents ne sont pas outillés pour bien les accompagner, ben l'école seule ne peut pas faire ce travail-là. C'est peut-être la grande différence entre eux et nous, entre guillemets, c'est que dans ces pays plus en voie de développement, ben à l'école, on se sert beaucoup moins des outils technologiques. Et ça, c'est peut-être un peu inquiétant, parce que c'est un fabuleux outil pour faire toutes sortes d'apprentissages, le web. Tu voulais mentionner peut-être d'autres conclusions de cette enquête du Global Kids Online Report? Oui, ben en fait, je peux mentionner en termes de, puisqu'on est un peu sur la sécurité, il faut dire que le rapport s'y est beaucoup attardé, mais une des conclusions, c'est justement les jeunes enfants, leur capacité en matière de sécurité Internet sont relativement limitées. Ils ont besoin de support là-dessus. Je mentionnais tantôt qu'ils avaient eu des contacts avec des personnes inconnues en ligne. Eh bien, on parle de 19% des enfants dans les Philippines, de 41% des enfants en Serbie ou en Afrique du Sud, qui ont rencontré des nouvelles personnes en ligne, ce qui est parfaitement normal, c'est un peu aussi l'objectif de la chose. Ils n'ont pas nécessairement passé à la rencontre, mais il y en a un certain pourcentage qui ont choisi d'aller rencontrer en face à face ces gens. Alors, ça reste des éléments à garder en tête, si on peut dire, autour de tout ça. Mais c'est inquiétant pour les parents, ça, de savoir que son jeune va peut-être communiquer avec des inconnus qui n'ont pas toujours des intentions bienveillantes. Oui, en fait, mais ça reste stressant, parce que dans le fond, ce qu'on, qu'on découvre ou ce qu'on se rappelle quand on regarde des choses comme ça, c'est que oui, on peut partir, se promener dans la rue, sortir de la vue des parents, si on peut dire. Et il y a toujours le niveau de stress qui est associé à ça pour le parent. Mais aujourd'hui, veut pas avec les appareils, surtout dans le contexte d'un usage mobile, comme on le disait tout à l'heure, ben on peut être simplement dans la chambre ou assis sur le divan, mais on sait pas où il est réellement dans cette sphère virtuelle-là. Alors, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, et ce sera peut-être un peu la conclusion de tout ça, c'est vraiment donc l'importance de comprendre les usages, mais vraiment de comprendre les usages dans l'optique d'accompagner le développement de compétences numériques. C'est la clé. C'est la clé ici comme ailleurs. En fait, ici au Québec, et ce sera le dernier parallèle, on parle d'apprentissage du code informatique au primaire. Pourquoi on apprendrait le code informatique au primaire? C'est pour comprendre ce que la machine, au même titre qu'on est capable d'expliquer à un enfant ou que quelqu'un à un moment donné qui va lui dire comment marche un moteur, eh bien, il faut faire la même chose aussi avec un ordinateur, qu'on ait un degré de compétence minimale pour comprendre le fonctionnement de la machine. Une fois qu'on comprend le fonctionnement de la machine, qu'on comprend ce qu'est un algorithme de manière minimale, pour savoir après ça comment marche Facebook, Google et le reste, ben par la suite, ça devient peut-être plus facile aussi d'accompagner dans la classification de l'information, dans l'analyse du risque et le reste, qui sont un peu la deuxième étape de l'appropriation de ces outils-là. On parle parfois qu'il faudrait intégrer plus de cours d'éducation sexuelle à l'école ou de cours d'économie personnelle. Ben, il va falloir penser aussi à mettre en place des cours d'éducation numérique, n'est-ce pas, Raymond Poirier? Exactement. Merci beaucoup, Raymond, pour cette nouvelle chronique numérique. On te retrouve la semaine prochaine avec d'autres contenus tout aussi intéressants. Merci beaucoup.